أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. دائما الانسان يستحضر نية خالصة لله تعالى في كل اعمال الخير. هذا لابد منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى وإن تلقى أخاك بوجه طالق. حتى تبسم في وجه أخيك بنية حسنة عندك أجر. اتق النار ولو بشق تمرة. لابد دائما نذكر أنه لابد يكون عمل موافق للشرع ويكون نية خالصة لله. لابد هذا حتى يكون له الأجر. فدائما يستحضر النية. بلا نية إنسان ليس له ثواب. حتى أتعب نفسه يعني فعل كثير من الأفعال ولكن لم يستحضر النية ليس له أجر. لابد كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. لابد النية خالصة لوجه الله. وكذلك لابد يكون العمل موافق لشرع الله. Donc il faut toujours mettre la bonne intention pour avoir la récompense. Même peu d'actes avec la bonne intention font gagner des récompenses. Comme dans le hadith, sourire à son frère musulman, lui donner une partie d'une date en aumône. Mais il faut que l'acte soit conforme à la loi de Dieu. Et il faut donc l'intention sincère par recherche de l'agrément de Dieu. Il faut que l'islam, insan, ya'mal qalil lahu ajr kabir. Par la grâce de l'islam, quelqu'un il fait peu, il a beaucoup. Mais il faut que ça soit conforme à la loi de Dieu. Idan, l'islam huwa shart li qabul a'mal as-saliha. Shart bila islam la tuqbal a'mal as-saliha. Wal 'asr inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat. Illa alladhina amanu وعملوا الصالحات. الإيمان لابد منه. بدأ الإسلام الكافر يطعم بحسناته في الدنيا. لابد الإسلام موافقة شرع ونية خالصة لله. هذه الشروط لابد منها. Donc il faut bien sûr l'islam. Sans l'islam, il n'y a pas de récompense. Donc c'est dit dans plusieurs versets. Le mécréant il est récompensé dans cette vie. Il faut être sur la bonne croyance. L'islam, c'est-à-dire la bonne croyance, l'acte conforme à la loi de Dieu et la bonne intention. Avec ces trois conditions, la personne a les récompenses. Sans cela, il n'y a pas de récompense. Allah ghani an alamin, la yahtaju ilayna. Wa nahnu nahtaju ila Allah. Allah n'a pas besoin des créatures et nous avons besoin de Allah. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو علم هذا فلهذا يعني من الذكر الذي يقال وفي أجر عظيمة تقول: جزى الله محمدا عنا خيرا. جزى الله محمدا عنا خيرا. كل يوم تقول هذا عندك أجر كبير. النبي قال سبب الله جعله سبب. الله لا يحتاج لا النبي ولا إلى شيء من خلقه لكن جعل يعني المخلوقات سبب يعني لبعضها البعض. جعل النبي سبب لهداية الأمة. Donc الله تعالى envoie le prophète عليه الصلاة والسلام comme miséricorde et donc une grâce par laquelle Dieu a guidé les gens. Dieu n'a pas besoin des créatures, il n'a besoin ni des prophètes ni des anges, mais Dieu a fait que les créatures soient des causes, les unes pour les autres, et le prophète, c'était la cause pour la guider de la communauté, et il a une grande récompense, et c'est pour cela qu'on dit, comme évocation qui fait gagner beaucoup de récompenses, « Jazallahu Muhammadan anna khayra ». C'est-à-dire que Allah rétribue en bien Muhammad pour ce qu'il a fait de bien pour nous. Allah Ta'ala ja'ala hadha an-nabi afdal nabi. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Al-anbiya ikhwa li'allat dinuhum wahid. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, ya'ni fi al-islam, al-aqida. Lakin qala tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. المسلم لابد يحب كل الأنبياء ولكن أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمان il doit aimer tous les prophètes tous ils ont la même religion la même croyance et c'est pour cela Allah Ta'ala dit لا نفرق بين أحد من رسله c'est-à-dire on ne fait pas de différence dans la foi mais dans un autre ayat il dit تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض Dieu a fait que les prophètes ils ont des degrés supérieurs les uns aux autres. Et le meilleur, Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et la aqid al-anbiya kullaha wahida, hiya Allah Ta'ala wahid la sharika lah. Allah Ta'ala khaliqu al-zaman wal-makan kana qabla al-zaman wal-makan. Laysa kamithli shay, la yushbu shay. Donc, la croyance des prophètes est la même. Dieu, le créateur de tout l'univers, le créateur de l'espace, du temps, il existe avant l'espace, le temps. Il ne ressemble pas à ses créatures, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا أفضل شيء, أفضل أعمال عند الله هو الإيمان بالله ورسوله. هذا كل الأنبياء علموا هذا. الإيمان بالله ورسله لابد يؤمن بالله ونبي الزمان والأنبياء السابقين هذا شرط الإيمان تؤمن بنبي الزمان والأنبياء الذين سبقوا لأنهم كلهم جاءوا بدين الإسلام إنما اختلف الفقه بينهم أمور الفقهيات النبي عليه الصلاة والسلام قال le meilleur de ce que j'ai dit, moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est il n'est de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Donc c'est la croyance de tous les prophètes. Pour chaque époque, il faut croire en les prophètes du temps et tous les prophètes qui l'ont précédé. Et le dernier, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous, ils ont enseigné cette croyance. Qu'est-ce qui change? C'est les lois des prophètes. Idan, anbiya, aqidatuhum wahida, aqid tawhid, aqid tanzih. Idan, hadhi min muhimmat. Fa muhim bayan hadha wa nashr hadha hadhi al-aqida. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Donc la croyance des prophètes, la croyance de l'unicité de Dieu, que nous ne sommes pas ces créatures, qu'on ne peut pas l'imaginer, que rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Il est important de connaître cette croyance, de la suivre bien évidemment et de la propager. إظهارا يعني لهذا يعني هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وشكر لله تعالى أنه بعث هذا النبي العظيم نشكر الله تعالى على نعمه وهذه من نعم الله تعالى أكبر نعمة هي نعمة الإسلام وكان سبب جعل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم سببا في تعليم هذا هو الذي جاء بهذه الرسالة كما جاء قبله كل الأنبياء طبعا كل الأنبياء جاءوا بنفس الدين كل الكتب السماوية جاءت بهذا الدين فيعني عن قريب المسلمون اعتادوا يعني إحياء ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، إحياء ذكرى مولد النبي، هذا في مشارق الأرض ومغاربها يفعلونه. لماذا؟ ليس هكذا، شكر لله تعالى، وحتى تتقوى محبة يعني المؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذكرون ما حصل يعني ويذكرون بعقيدته وصفاته، صفات الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أجمل المخلوقات الأنبياء، أفضل المخلوقات، لا يكذبون، لا يخونون، لا يفعلون الكبائر، معصومون من الكفر، من الكبائر، من الصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، لا تصيبهم أمراض منفرة كخروج الدود أو الرائحة الكريهة، هم أفضل الخلق، هم أفضل من الملائكة. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. يعني يستحق النبي أنه يعني يظهرون السرور والابتهاج والفرح بذكرى مولده، وهذا ما يعني علمه علماء الإسلام. من يعني أنشأ فعل وحث على هذا إحياء ذكرى مولده؟ علماء الإسلام الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فيعني وافقوا على هذا الفعل يعني منذ مئات السنين، ونحن سنذكر الأدلة المهمة على ذلك، لأنه في ربيع الأول يعني عن قريب إن شاء الله المسلمون يحيون ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في بيان عقيدة أهل السنة، أنه في إظهار هذه الطريقة فيه يعني تقوية لطريقة أهل السنة والجماعة، وبيان نهج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كذلك إحياء ذكرى مولده يعني تحذيرا وتصديا للغلو والتطرف، لأنه من يمنع إحياء ذكرى مولده؟ المتطرفون الذين يقتلون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني معروف هؤلاء هم الذين ينكرون هذه العادة اللي هي إحياء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فالتمسك بهذا، والإنسان يعود أهله ويعني أبناءه على إحياء هذه الذكرى، في تمسك بالدين وتمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم. الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Donc on a dit, les musulmans, donc le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit dans le hadith que Dieu a envoyé les prophètes, tous ils ont un beau visage, une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Ce sont les meilleurs des créatures, les prophètes, ils sont intelligents, honnêtes, véridiques, chastes, éloquents, ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés, des petits péchés de bassesse, avant l'avènement de leur mission de prophète, comme après. Les prophètes, ils n'ont pas de maladies repoussantes, ils n'ont pas donc des mauvaises odeurs, de la lèpre ou des vers qui sortiraient de leur corps. Donc ça, ce n'est pas digne des prophètes, bien sûr. Il n'est pas permis de l'attribuer aux prophètes, parce qu'on a vu dans le hadith qu'ils ont tous un beau visage, une belle voix. Et celui qui a le plus beau visage, la plus belle voix, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous, ils ont appelé à cette croyance-là. Donc les musulmans, pour montrer leur attachement au prophète et leur amour envers le prophète, et donc fortifier le rang des gens sunnites, du juste milieu qui suivent la voie du prophète, donc ils organisent chaque année, ils commémorent la naissance du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme ont approuvé cela les grands savants de l'islam, qui sont les héritiers du prophète, des prophètes dans la science, comme cela est cité dans le hadith. Et ça, c'est les musulmans, ils ont instauré cela pour que les musulmans s'attachent davantage au prophète. C'est l'occasion de montrer les qualités du prophète, et parler du prophète, et honorer le prophète. Donc, faire l'éloge du prophète, glorifier le prophète. Et ça, ça fait partie, bien sûr, de la religion. Glorifier le prophète, ça fait partie de la religion, comme c'est dit dans le Coran. Donc, et aimer le prophète aussi, ça fait partie des actes d'adoration. Et donc, c'est pour cela, les musulmans, ils font cela. C'est pas comme ça. C'est pour montrer la voie, qu'on dit, la voie sunnite. Et c'est pour être en opposition aussi à la voie des gens extrémistes. C'est parce que c'est ces gens-là extrémistes qui font du mal, donc et qui donc c'est eux qui renient donc le fait de commémorer sa naissance avec différents prétextes qu'on va montrer justement le but de montrer à chaque fois des arguments pour montrer l'infondé de leur opposition à cette tradition connue dans tous les pays musulmans. Donc le Maulid Nabawi, c'est la commémoration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète, il est mieux que Djibril, bien sûr, donc c'est normal et tout à fait conforme à la religion de montrer la joie et la joie et l'attachement au prophète en commémorant sa naissance. Et bien sûr, إذن كما قلنا بالطبع في الأول أنه حتى العمل يكون مثاب مقبول شرعا لابد من ثلاث شروط. قلنا الإسلام والعمل يكون موافق للشرع والنية مخلصة لله تعالى. طيب يعني هنا لا نتكلم يعني بعض الناس يعملون احتفالات موسيقية يعني محرمة باسم المولد وكذا ولا أشياء محرمة، لا نتكلم عن هذا، نتكلم شيء موافق للشرع. بالأول قلنا لابد حتى يكون لك الأجر على عقيدة صحيحة، على موافق للشرع الأعمل ومخلص لله تعالى كما سنبين. معناه إذا ناس بعض الناس يغالون في مدح النبي فيصفون النبي بصفاته خاصة بالله، هذا لا ينفعه. يوجد بعض المتطرفين يعني في أهل الغلو يقولون مثلا أن النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا الشرك موجود. هذا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني سوء، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر ولكن أفضل البشر. إذن لا نعبد النبي، يعني إذا من عبد النبي هذا لا يكون مسلما. فإذا يقول ينسب إلى النبي صفات خاصة بالله هذا يسمى عبد النبي. بعض الفرق يدعون التصوف يقولون النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا أشرك، هذا لا نتكلم عنه، هذا لا يدخل في هذا يعني أنه عمل مقبول، هذا لا يدخل، لأنه هذا ليس له شرط اللي هو الأول هو الإسلام، أن تعتقد أن النبي بشر وأنه أفضل البشر وأنه لا يوصف أحد بصفات الله، العلم بكل الغيب، أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، نتذلل نهاية التذلل لله فقط. يعني هذا من الشروط كما قلنا، ويكون موافق للشرع. يعني بعض الناس يقولون المولد نبوي ويضعون الآلات محرمة، مثال هذا المعازف، هذه حرام، الأوتار أو يعني هذه المعازف والمزمار هذا حرام، حرام في حديث النبي. إذن لا نتكلم عن هذا. ومخلص الله بالطبع، لابد هذه النية، لابد يفعل لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معنى كل عمل خير لابد مخلص الله تعالى. Donc on a dit, alors bien sûr il faut pour que l'acte, comme on l'a dit au début, pour que l'acte soit conforme à la religion, il faut les trois conditions. Il faut l'islam. Il faut que ça soit conforme à l'enseignement du prophète. Il faut la bonne intention. Donc si des gens ils vont adorer le prophète, ça, là, il n'est pas dans l'islam, donc son acte ne sera pas valable. Il y a des gens, certains faux soufis, ils vont dire, ils vont attribuer au prophète des attributs de Dieu. Et ça, c'est du shirk. Donc ils ont dit qu'il a adoré le prophète. Il ne rentre pas dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur l'islam, déjà. Ils disent, par exemple, certains sectes, ils disent que le prophète, il sait tout ce que Dieu sait, et ça, c'est du shirk. Il s'est dit dans le Coran, « قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَسَّنِي سُوءٍ » C'est-à-dire, le ayah montre clairement, le prophète, il ne sait pas les choses cachées. Il n'y a que Dieu qui sait toutes les choses cachées. Le prophète ne sait que ce que Dieu lui a donné à savoir. Et les créatures ne savent que ce que Dieu leur a donné à savoir. Donc c'est le prophète قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ C'est-à-dire, ce qui signifie, dit, je suis un humain comme vous, mais je reçois la révélation. C'est un humain, mais c'est le meilleur des humains. Donc ça, de dire ça, il n'y a pas de problème. Aimer le prophète, respecter le prophète, glorifier le prophète, mais on n'adore pas le prophète. L'adorer, s'humilier à l'extrême, c'est que pour Dieu. Donc on ne parle pas de ces gens-là. Donc, déjà, qui adore le prophète, qui adore un prophète, comme ceux qui ont adoré Isa, ça c'est de la mécréance. Donc les musulmans, ils n'adorent pas le prophète, mais ils respectent et ils aiment le prophète. Mohammed, Isa, Moussa, ils doivent aimer tous les prophètes. Les prophètes tous, ils sont meilleurs que Djibril, meilleurs que les anges. Muslim la bouddha, il aime tous les anbiya. Amma hadur الكفار عبدوا عيسى ولم يتبعوا عيسى لأن عيسى قال اعبدوا الله donc les mécréants ils adorent عيسى ils suivent pas عيسى parce que عيسى il a dit d'adorer Dieu et il faut bien sûr on a dit aussi que l'acte qu'on fait il conforme à la religion c'est quelqu'un ils font par exemple les sons interdits dans la religion des gens ils font soi-disant maoulid mais avec ils font des sons interdits que le prophète il a interdit. Donc le prophète il a interdit des sons. Donc ça c'est haram. Amma طبعا الدف هذا الرسول قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف يعني الضرب بالدف لا جائز. ومدح النبي جائز كما يعني بينا سابقا في السؤال جواب ذكرنا كيف نساء كانوا يمدحن الرسول والرسول قال الله أعلم إني لا أحبكن وكان الناس في مسجده يمدحونه بلغتهم فالرسول لم ينكر عليهم والعباس مدح النبي بأبيات فقال له قلها لا يفضل الله فاك أي عش وأنت أسنانك سليمة دونك Mais faire l'éloge du prophète avec des paroles correctes, là, c'est acceptable. Comme des femmes, on a vu dans les questions-réponses avant, des femmes à Médine, ils ont chanté l'éloge du prophète. Et le prophète, il a dit, donc il a approuvé ce qu'elles ont dit. Il a dit qu'il les aimait. Et il y avait des gens qui parlaient dans une langue autre que l'arabe, dans sa mosquée, ils faisaient son éloge. Et le prophète, on lui a traduit ce qu'ils disent, et le prophète, il a approuvé. Ou l'oncle du prophète, l'Abbas, il a fait un poème sur l'éloge du prophète. Le prophète lui a dit que Dieu préserve tes dents. Et il est resté, et il avait ses dents préservées jusqu'à plus de 80 ans. Donc faire l'éloge du prophète avec des choses correctes, sans lui attribuer ce qui n'est pas digne de lui, sans lui dire des choses qui ne correspondent pas au prophète, là c'est permis. Comme on a dit, il ne faut pas attribuer au prophète des choses qui sont spécifiques à Dieu. Et il faut la bonne intention, bien sûr. Il faut la bonne intention dans son cœur pour avoir des récompenses. Idan, nous قلنا سنبين شيئا فشيء الأدلة على هذا لأن أهل التطرف يمنعون هذا لأنهم يعني يكرهون طريقة أهل السنة والجماعة يكرهون هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفرق المنحرفة التي تحرف الدين. Donc on va montrer les preuves à chaque fois parce que les gens extrémistes, les gens de l'outrance, eux, ils n'aiment pas la voie sunnite, la voie du juste milieu. Donc ils renient les traditions sunnites parmi lesquelles commémorer le Maulid. Et même ils disent que c'est bid'a. يقولون بدعة هم جاهلون في بالعربية لأنه في العربية بدعة مش ليس معناها بالضرورة أمر قبيح في أصل اللغة ليس معناها بدعة البدعة هو شيء جديد شيء جديد قد يكون مفيد وقد يكون قد تستعمله الجديد في الخير أو في الشر السيارة هي شيء جديد أو الهاتف تستعمله في عدة أشياء تقضي به عدة أشياء يفيد كثيرا وهناك يتضررون بالهاتف في ناس يعدي يمرض يعدي ساعات في الهاتف هناك ناس يتعلمون أفكار سيئة من طريق هذه الانترنت سكين تستعمله في الخير تطبخ به للضيوف والسكين كذلك يفعلون به الإجرام والمعاصي إذن على حسب الشيء الجديد ينظر فيه في ماذا يفعل به إذن البدعة تعريفها البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث قدموا من فضلكم إذن البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث إذن وقد تكون إذا كان توافق القرآن والحديث فهي حسنة كما قال العلماء كما سنذكر وعمر أصلا في صحيح البخاري سيدنا عمر قال نعم البدعة هذه عندما جمع الناس على صلاة التراويح يعني الناس هذوما جهاء يتكلم كأنه لغوي علامة في اللغة وسيبويه ويعرف القاموس محيط كأنه فيروز أبادي هذا اللي عمل أو صاحب لسان العرب يقول لك بدعة كأنه يفهم في اللغة والتفاصيل والشرع والفقه مجرد سمع هيك يعيد سيدنا عمر يفهم اللغة العربية عندما جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح أبي بن كعب قال نعم البدعة هذه في صحيح البخاري هل عمر جاهل والبخاري أورد ذلك ولم يرد عليه جاهل كيف هذا هؤلاء يعرفون اللغة ويعرفون الدين والحديث والقرآن أكثر من هؤلاء الناس في القرن هذا يقولون بدعة بدعة وكأنه يفهم لغة العرب كلمة واحدة أحيانا عندها 15 معنى هو تجده حتى فرنسي ما يفهمش كل أغلبه يتكلم حتى يعني لا يعرف جيدا لا فرنسية لا عربية يعرف فرنسية بالحديث فقط كله تفاصيل اللغة الفرنسية وكذا لا يعرفها فمن بالك العربية إذن قال سيدنا عمر نعم البدعة هذه في صحيح البخاري وفي كتاب آخر موطأ الإمام مالك مالك أقدم من البخاري في موطأ الإمام مالك نعمة البدعة هذه بزيادة التاء إذن إذا كان البدعة هذه موافق للأصل ليس ممنوعا وإذا مخالف ممنوع هكذا تفاصيل وسط وكذلك جعلناك أمة وسطا يعني لو الوسط يعني تفصل في الأمر حتى تكون موافق للحق بالدليل ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق donc parmi les gens donc les gens qui renient donc c'est les gens extrémistes qui renient le maulid et disent bid'a c'est comme s'ils maîtrisent la langue arabe et souvent ils maîtrisent même pas tous les détails du français que dire de la langue arabe on dirait un linguiste qui parle ça y est Mais un mot, il peut avoir plusieurs sens. Donc déjà, dans la langue, le mot bid'a, ça veut dire que c'est ce qui était innové sans exemple précédent. Donc quelque chose d'innové, ça peut être bon ou mauvais. La nouveauté, ce n'est pas forcément mauvais. Ça dépend de l'utilisation, donc quoi elle est utilisée, etc. Il y a des détails. Ça dépend. Cette nouveauté, c'est quoi? Nouveauté, ça peut être bien ou mal. Alors, le mot bid'a, c'est ça. Et selon la loi, c'est ce qui a été innové, qui n'a pas été cité textuellement dans le Coran ni dans le Hadith. Alors, on dit directement, Omar, déjà, il a dit, quelle bonne bid'a. Ni'am al-bid'a tu hadhi, dans Sahih al-Bukhari. Est-ce que Omar, il comprend pas la langue arabe? Est-ce qu'il comprend pas la religion? Et est-ce que le Bukhari, il est ignorant parce qu'il n'a pas répliqué à ça? Ou est-ce qu'il est égaré? Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, Omar, quand il a dit ça, il connaît la langue arabe, il connaît le Coran, il connaît la religion. Et ça, c'est connu chez les musulmans. Il a dit, quelle bonne bid'a, quand il a réuni les gens avec Salat al-Tarawih, avec Ubay ibn Ka'b. Il s'est cité dans un autre livre, d'un grand savant lui-même, qui est plus ancien que le Bukhari, dans son célèbre livre, il s'appelle Muwatta. C'est cité avec Ta. Ni'matil bid'atu hadhi. Quelle bonne bid'a que celle-ci. Bonne innovation, quand il a eu l'idée de réunir les gens avec un seul imam. Donc on voit que ces gens sont ignorants et ils répètent comme ça bêtement. Et ils sont orgueilleux, on dirait qu'ils maîtrisent. Ils te lancent bid'a, on dirait qu'ils maîtrisent la langue, etc. Alors qu'ils ne maîtrisent ni la langue, souvent ni la langue arabe, ni la langue française, ni la religion. Ils répètent bêtement. Et comme il a dit un compagnon, laïs al-haq yaraf bil-rijali, walakin al-rijala yu'arafuna bil-haq. C'est-à-dire, ce n'est pas par les hommes qu'on connaît la vérité, mais par la vérité qu'on connaît les hommes. C'est-à-dire, la preuve, c'est par la religion. Et ce n'est pas avec un tel, il a dit, on répète bêtement comme ça. إذن الدليل من القرآن الكريم على البدعة الحسنة قوله تعالى في مدح المؤمنين من أمة سيدنا عيسى أتباع عيسى مسلمين أتباع الذين تبعوا على الحق ليس الذين عبدوه إذن ابتدعوا شيئا حتى إنهم انقطعوا عن الزواج وتركوا اللذائذ من المطعومات والثياب الفاخرة وأقبلوا على الآخرة إقبالا تاما فالله امتدحهم في على هذه الرهبانية مع أن عيسى عليه السلام لم ينص لهم عليها قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله هذا آية واضحة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله سورة الحديد فالله امتدح المسلمين الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام لأنهم كانوا أهل رحمة ورأفة ولأنهم تدعوا الرهبانية وهي الانقطاع عن الشهوات المباحة زيادة على تجنب الحرام إذن زيادة على تجنب الحرام ابتدعوا شيء انقطعوا على اللذائذ من غير تحريم لها لكن حتى يكون لهم وقت أكثر في فعل يعني العبادات والتزود الآخرة. Donc il est cité dans aussi dans le Coran clairement qu'il y a une bonne bid'a. Il est cité que les musulmans qui suivaient Isa parce que les gens qui suivaient Isa c'était des musulmans qui suivaient vraiment Isa sur la bonne croyance. Et Allah Ta'ala dit « Wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah » C'est-à-dire, Allah nous dit que ces gens-là, ils ont innové ar-rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim, c'est-à-dire n'a pas été cité, n'a pas été rendu obligatoire sur eux. Ils ont innové cette rahbaniyah, c'est-à-dire comme un sort d'ascétisme, ils ont délaissé, en plus de délaisser ce qui est interdit, ils ont rajouté de délaisser les choses permises. Et ils ont délaissé le mariage, les choses que les plaisirs que l'âme désire parmi les choses permises. Ils l'ont délaissé, pourquoi ? C'est pas en disant, en considérant interdit, mais pour avoir plus de temps dans l'adoration, pour se préparer pour l'au-delà. Donc Dieu a fait leur éloge, et il dit clairement ibtada'uha. C'est-à-dire, c'est une bid'a de leur part, mais elle est bonne. Donc c'est clair que s'il y a une bonne bid'a dans le Coran, dans sourate al-Hadid, cette ayah. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad Taha al-Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لكل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.